Chapitre 5e, le dégagement. À partir du déclenchement de la bataille de la Somme, la pression des Allemands devant Verdun diminuera de jour en jour. La bataille de Verdun est, pour employer une expression à laquelle les critiques militaires nous ont habitués, virtuellement gagnée par nous. Dès les premiers jours de juillet, la situation change. Le Crown Prince, ne disposant plus que de forces strictement limitées, cesse ses opérations de la rive gauche de la Meuse. Il n'attaque plus que sur la rive droite, dans la région de Froidetère et de Souville. Mais déjà les Français dominent leurs adversaires. Fleury est repris le 17 août, définitivement cette fois. Le 1er et le 3 septembre, nous remportons encore des succès locaux. Le 17 septembre, le général Mangin propose à son chef direct de renoncer aux actions de détail pour chercher à dégager Verdun par une opération d'ensemble. Il s'agit d'une manœuvre à grande envergure. On s'efforcerait de reporter nos lignes en avant de l'ancienne enceinte des forts, c'est-à-dire de rejeter l'ennemi au-delà de Douaumont et de Vaux. La date et l'heure de l'attaque étaient fixées au 24 octobre à 11h40. Les Allemands s'attendaient au coup qu'on allait leur porter, mais l'action fut si soudaine et si parfaitement montée qu'ils furent néanmoins déconcertés. L'opération s'exécuterait en deux temps. Les troupes devaient dans un premier élan atteindre les carrières d'Audremont, la pente nord du ravin de la Dame, un retranchement au nord de la ferme de Thiaumont, la batterie de la Fausse Côte, le ravin du Basil. Puis, dans une seconde phase, on pousserait jusqu'au village et au fort de Douaumont, au-delà du ravin de la Fausse Côte, jusqu'à la digue et à l'étang de Vaux et la batterie de Danlou. La préparation d'artillerie dura trois jours. Le 23, un obus de 400 éclatait dans le fort de Douaumont et causait un incendie. Le 24 octobre au matin, un épais brouillard recouvrait les vallonnements de la Meuse. Jusqu'à 11h35, notre bombardement, redoublant de violence, accable la ligne sous un dernier tir d'écrasement. Puis, pendant 5 minutes, nos 75, tirant par rafale, achèvent de désorganiser la résistance allemande. Enfin, tandis que l'artillerie allonge son tir, notre infanterie, d'un bout à l'autre du champ de bataille, des hauteurs d'Audremont jusqu'à Danlou, bondit d'un magnifique élan sur l'étroite bande de 100 à 150 mètres qui la sépare de l'ennemi. Les fils téléphoniques sont rompus à chaque instant. Il faut assurer les liaisons par les coureurs, les pigeons, les postes optiques. En une heure, les premiers objectifs sont atteints au prix de pertes insignifiantes. Les prisonniers allemands affluent. Vers 11h30, le brouillard se dissipe tout à coup, déchiré par un coup de vent. Un soleil pâle, encore déformé par un reste de brume, luit derrière les crêtes des collines. Des ombres minuscules surgissent sur le fond lumineux. Ce sont nos soldats qui escaladent le fort de Douaumont. Derrière, les cimes, désormais légendaires, de Souville, de Belleville, de Thiaumont et de Fleury, la pyramide de Douaumont se dresse environnée de gloire. Nous avions remporté une victoire complète. Le général Nibel, dans un ordre du jour aux troupes du général Mangin, dégagea le véritable sens de notre succès. En 4 heures, dans un assaut magnifique, vous avez enlevé d'un seul coup, à votre puissant ennemi, le terrain hérissé d'obstacles et de forteresses du nord-est de Verdun, qu'il avait mis 8 mois à nous arracher par lambeaux au prix d'efforts acharnés et de sacrifices considérables. Vous avez ajouté de nouvelles et éclatantes gloires à celles qui couvrent les drapeaux de Verdun. Au nom de cette armée, je vous remercie. Vous avez bien mérité de la patrie. Dans la soirée du 24, Mangin reçoit l'ordre de pousser les opérations contre Vaux, tout en gardant Douaumont contre un retour offensif. Vu des lignes françaises, Vaux forme une position avancée comme une sentinelle tournée vers la Veuvre. De Verdun, le fort de Vaux est invisible. Les crêtes boisées de Tabanne et de Souville font écran entre la place et lui. Forteresse presque entièrement souterraine, construite en béton armé comme Douaumont, cet ouvrage se dresse à l'extrémité d'un plateau, entre le massif de Douaumont et les bois de la Lauffée, dont il est séparé par des vallons étroits. Dès le 24 octobre, après la victoire qui nous avait rendu Douaumont, le fort de Vaux était à demi encerclé et sa chute n'était plus qu'une question de jours. Nos batteries lourdes, et particulièrement nos obusiers de 400, l'écrasaient systématiquement. Le 25 octobre, la division Lardamel lance 3 bataillons jusqu'au fossé du fort. Il y a encore là quelques mitrailleuses allemandes qui n'ont pas été réduites au silence par nos canons. Nos soldats sont arrêtés. Quelques braves, emportés par leur élan, atteignent l'entrée des casemates, essaient de détruire avec des grenades les nids de mitrailleuses. La plupart ne reviennent pas. Les généraux Nivelle et Mongin font alors retirer nos lignes à 200 mètres au sud du fort, afin de reprendre la préparation d'artillerie et d'assurer au moindre prix la chute de l'ouvrage. Des tonnes de projectiles s'abattent sur le fort et sur le village. Le 2 novembre, vers midi, une explosion se produit. Dans la nuit, des patrouilles sont envoyées pour reconnaître l'effet de notre artillerie. Les soldats pénètrent dans le fort et le trouvent vide. Nous avions repris sans coup férir cette position que le commandant Reynal avait si héroïquement défendue et qui était restée 5 mois au pouvoir de l'ennemi. Après cette éclatante défaite, les Allemands essayèrent d'en amoindrir la portée morale en affirmant, par un revirement d'opinion étrange, que les ouvrages de Douaumont et de Vaux n'avaient aucune valeur, que d'ailleurs l'objectif essentiel de l'état-major germanique, usure de l'armée française, était atteint. Mais, du 15 au 18 décembre, une nouvelle attaque de l'armée Mongin compléta le dégagement de Verdun et reporta nos lignes à peu de distance de notre ancien front avant l'offensive allemande de février. Cette fois, la faillite de la grande opération stratégique du Kronprinz ne pouvait plus être dissimulée. Verdun, par la faute même des chefs des armées allemandes, était devenu le symbole de la résistance française. Devant les hordes barbares qui déferlaient comme une mer sur les pentes de Vaux et de Douaumont, la France était dressée, sanglante et terrible, en criant « On ne passe pas !» Ainsi s'achève Verdun par Jean-Petit Huguenin.